Là, on dit ici, en caractère gras, la candidate ou le candidat retenu pour occuper ce poste doit être une personne qualifiée appartenant à un groupe racial visible. Donc, si vous êtes blanc, homme, femme, hyper compétent, 22 ans d'expérience, un PhD à Yale, avec une maîtrise à Harvard, en bureautique, whatever. Dégage, on veut rien savoir. Exact. Mais, si t'es un Chinois, puis à un moment donné, ben, t'as commencé à t'intéresser, et bilingue évidemment, tu t'as commencé à t'intéresser à la fonction publique, au Canada, au métier de secrétaire, ben là, envoie ton CV, d'après moi, t'as des maudites bonnes chances. Comment vous trouvez ça, vous autres? Est-ce qu'on devrait, puis je dis même pas favoriser, là, est-ce qu'on devrait exclure les Blancs? Je pose la question ouvertement, là. Puis moi, je veux que tous les concours soient ouverts. Je regarde les offres d'emploi dans les différents journaux en fin de semaine. Toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux handicapés, aux Autochtones, aux Blancs. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux être capable de concurrencer tout le monde. Je veux que la secrétaire blanche, qui est sur le chômage actuellement à Laval, à Terrebonne, à Saguenay, à Trois-Rivières, soit capable de postuler pour ce poste-là. Et le problème, c'est que ce matin, elle peut pas, parce qu'on va crucifier son CV au vidange. Moi, tu trouves ça, Jérôme? Moi, ça a aucun sens. Moi, là, il y a un critère dans ma tête, la compétence. That's it. Il y a un seul critère qui compte. Que tu sois noir, rouge, blanc, hindou, indien, musulman, gars, fille, bisexuel, hermaphrodite, whatever. Peux-tu regarder la compétence en premier? Exact. Peux-tu regarder la compétence? T'es jeu cross-sign, t'es rousse. Ouais. On n'en a rien à cirer. En chaise roulante, parfait. Ouais. On va t'aider, pas de problème avec ça. On peut peut-être aller chercher une subvention. Ça dérange pas. Handicapé ou pas, indienne, autochtone, chinoise, j'en ai rien à cirer. Hey, Dom, c'est pas grave. Tu me permets-tu un breaking news pour les gens de la région de Montréal, entre autres, que ça va toucher? Il y aurait actuellement une importante opération policière à la polyvalente Jacques Rousseau à Longueuil. Des policiers qui chercheraient possiblement, on va se calmer là, possiblement un suspect armé à la polyvalente Jacques Rousseau, de Longueuil. Il y a des policiers qui sont là actuellement. On a confiné les élèves à l'intérieur de cette polyvalente. Là, on parle d'une situation de confinement. Est-ce que, regarde, si vous avez des élèves là, partez pas nécessairement en panique. Des fois, on prend beaucoup de démarches et de précautions. Qui annonce ça sur Twitter? C'est partout, là. C'est TVA qui annonce ça. Là, c'est partout ce matin. Là. On va suivre ça de très près. Ouais. 10h23, donc. Et comment définir ça, groupe racial visible? Tu sais, quelqu'un dont le père est chinois, lui est visible, mais il y a une maman blanche. Qu'est-ce que c'est que groupe racial visible? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Il y a tellement de latitudes, c'est tellement large. J'ai pris le téléphone ce matin et je les ai appelés. Ça fait passer pour quelqu'un qui est chocolat. Chocolat, c'est visible, d'autant plus que avec l'été qu'on vient de passer, c'est encore plus visible, vous me direz? Chocolat noir un peu? Ben, je suis de même, moi je suis comme ça. Je suis là un peu. Moins pire un peu. Et vous allez noter que on a de la misère à expliquer le concept. On a de la misère à être clair. On a de la misère à dire OK, parfait, les yeux bridés, chocolat, on n'est pas sûr. On va t'envoyer un formulaire, tu vas répondre. C'est tellement aléatoire. À mon avis, c'est une situation qui est inacceptable. Oui, ça devrait être ouvert à tous, mais d'exclure des membres de la majorité, mais surtout des gens compétents à la base. D'exclure des gens compétents, très compétents, mais dont le seul défaut est d'être blanc en 2012, pour moi, c'est bizarre. Pour moi, c'est pas acceptable. Pour moi, c'est discriminatoire. Pour moi, ça devrait être interdit. Pour moi, il devrait être averti. Pour moi, il devrait avoir un petit meeting, peut-être. Et d'imprimer ça dans le journal, ma foi, ça me fait sursauter. 10h24, on écoute mon petit appel, puis au bout du compte, peut-être que vous aussi, vous allez vous trouver des traits un peu visibles. Peut-être que vous allez avoir le goût de postuler. On n'en sait trop rien. Oui, bonjour. J'appelle de Québec pour une information. Oui. Concernant l'annonce dans le journal en fin de semaine, secrétaire. Oui. Pour, c'est ça, je dois faire partie d'un groupe racial visible, c'est ça? Oui. C'est ça. Moi, ce qui arrive, c'est que mon grand-père est noir. Il venait des États-Unis. Tout ça, moi, je suis... Tu sais, je suis visible, mais tu sais, je suis chocolat au lait, là. L'été, c'est plus foncé, là, mais tu sais, rendu au mois de février, c'est un peu plus chocolat pâle, là. OK. Ben, de toute façon, moi, quand comment c'est un poste qui est désigné comme ça, ouais. Moi, j'envoie un formulaire de auto-identification. Oui. OK. Donc, dans le formulaire, vous allez pouvoir cocher, là, dans quel groupe, là, vous tombez. Ben, moi, je serais dans quel groupe, moi, là? C'est parce que moi, mon père, il est blanc. Mais okay. Sauf que mon grand-père était noir. Il est arrivé. Bon, moi, j'ai encore. Regarde, mon frère est plus blanc que moi. Moi, je suis plus foncé. Ça arrive de même. Mais moi, j'ai plus... Mais j'ai même les yeux bridés un peu. Tu sais, tu vois que tu n'es pas canadien-français, là, tu sais. Okay, mais mon frère, il est plus blanc. Là, mettons, votre mère, puis... Ben là, votre... Elle a du sang indien, ma mère. Elle a du sang indien. C'est une indienne. OK. Mais son père, à elle, de son bord, à elle. Ouais. Bon, mais il n'était pas ben, sa réserve. On va un petit peu loin, là. Il n'était pas sa réserve. C'est non-Indian, c'est non-status Indian? Attendez une petite seconde, il faut faire que j'aille voir... Mais moi, j'ai tout ça, là. Avez-vous... Je les ai, les critères. Avez-vous envoyé votre CV? Je veux l'envoyer, c'est ça, mais je veux savoir, je réponds-tu aux critères? Parce que les gens me disent, bon, minorité visible, j'en parlais avec ma blonde en fin de semaine, ouais, t'es visible, mais, tu sais, dans le fond, il y a des gens qui me disent, ouais, t'es pas visible, t'es visible. Tu sais, il y en a qui me disent, oh, il y a quelque chose, c'est comme Obama un peu, là, tu sais. OK, fait que moi, ce que je vais faire, là, c'est je vais envoyer le formulaire. Oui. Puis vous allez voir, il y a quand même des instructions, ça va vous aider, là, à définir, là, dans quel groupe vous vous retrouvez. Mais je peux-tu être qualifié? J'aimerais ça de l'avoir, le job. Il va falloir que je reçoive le formulaire. On va regarder, puis si avec vous une photo? Photo? Pardon? Avec une photo? Non. Non, non. Hein? Pas besoin de photo? C'est un formulaire de auto-identification. Oui. Là-dedans, c'est quoi les questions? C'est sur la ancestry, les ancêtres, sur les origines. Ben, c'est plutôt plus proche que ça, là. On s'en va pas si loin que... Le père et la mère. C'est ça. C'est ça. Moi, s'ils sont blancs, c'est parce que mon grand-père était noir. Ouais. Attendez une petite seconde, là. OK, est-ce que je peux pas mettre en temps, s'il vous plaît? Oui. Instant. OK. Oui. Bon, alors, c'est ça. Dans le formulaire, là, ça le définit, là, qu'est-ce que c'est une personne à racial visible. OK. OK. Puis, il y a toutes sortes, là. Il y a plusieurs, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les critères. 10. Il y a 10 les critères. Possibilités, là. Les cheveux, les yeux, la peau, les couleurs de peau, tout ça. Ben, c'est plus. Ouais, mais ça l'indique pas, là. Ça demande pas quelle couleur sont vos yeux, là. Non, non, non, non. Mais les yeux bridés, les choses de même, la couleur de la peau, les. Mais ça, c'est surtout. Okay. D'où la personne vient, là, de quelle région la personne vient. Ben moi, je viens de la Mauricie, moi. Je viens de Shawinigan. OK, mais c'est pour ça, là, ça va être à vous à décider. Je suis un chocolat un peu. Tu sais, c'est pas... Je suis visible, mais canadien, comprends-tu? Oui, oui. C'est non, dur c'est à dire. C'est correct. Là, si vous êtes né au Canada, là, ça va dépendre de votre mère et de votre père, de où eux viennent. Puis là, à un moment donné, là, vous allez pouvoir cocher là l'origine là, de vos parents. Parce que là, ma chum, j'osais le soir en fin de semaine, je prenais un café avec, puis elle était secrétaire pendant 14 ans. Puis elle juste disait ça, tu sais, ben elle dit, ouais, j'aimerais ça postuler, mais elle est blanche, je veux dire, elle est blanche, ça a pas de, elle est pas visible, tu sais. OK. Elle peut pas postuler, là. Moi, j'ai dit, oublie ça, fille, là, t'envoies ça, là, ils vont jeter ton CV à la poubelle, là. C'est pas pour elle, là, ça, là. Ouais. Bon, alors, est-ce que non, vous ça, avez envoyé votre CV? Moi, je vais l'envoyer. Non, mais je disais ça à elle. Pour elle, c'est blanche. Elle veut postuler aussi. Elle a plus besoin que moi de la job, là, mais j'ai dit, garde, t'es pas une minorité. C'est pas pour... c'est pas pour elle, cette job-là, comme telle. Non, non, c'est correct, là. C'est vous avez dit, c'est pour vous, là, tantôt, là. C'est ça. Mais c'est pas pour quelqu'un qui est blanc. C'est plus pour les minorités visibles. C'est ça. OK. Bon, ben regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon CV, Puis à ce moment-là, ben je vais vous rappeler pour obtenir toutes les informations, les formulaires. Ben moi je l'envoie automatiquement, donc vous n'avez pas de besoin. Aussitôt que je reçois votre CV, moi je vais faire un retour de courriel avec le formulaire. OK, parfait. J'ai-tu des chances, des bonnes chances? Ben, de me qualifier? Je m'excuse, j'ai aucune idée, là. Je suis pâle, je le sais, gars, vous allez faire le saut, là. Si vous avez dit sacrifice, il n'est pas minorité visible, ben, c'est. Ça serait même pas à moi, là, évaluer, là, si vous qualifiez ou pas, là. Ça va être au gestionnaire, là, de voir si vous rencontrez la demande de la désignation ou pas, là. Ça sera pas à moi non plus, là. Donc, C'est stressant, hein? Ben, c'est ça. OK? Merci beaucoup. De rien. Bye bye. Au revoir.